France Culture, deuxième nuit spéciale Chesterton après Jean-François Merle venu nous parler à minuit des enquêtes du Père Brown, édition Omnibus, après une tribune des critiques consacrée au nommé jeudi par Pierre Barbier qui recevait Stanislas Fumet et Luc Estan en 1967, après Anthologie étrangère par le même Stanislas Fumet consacré à la sphère La Croix, après Heure de culture française à l'instant les humoristes anglais, l'humour de Chesterton par Solange Datra, et avant un réplique l'éblouissant Chesterton par Alain Finkielkraut, et évidemment tout cela entremêlé des épisodes du nommé jeudi. On a entendu les épisodes 6 et 7, on entendra ensuite 8 et 9, et puis évidemment on terminera donc par le dixième et dernier épisode. Et bien après tout cela, nous accueillons Wojciech Golonka. Bonsoir Wojciech Golonka. Bonsoir Philippe Garbi. Alors vous avez publié au printemps de cette année 2016 un portrait philosophique de Gilbert Keith Chesterton, 1874-1936, aux éditions du Cerf dans la collection Patrimoine. L'éditeur nous apprend que vous êtes polonais, docteur en philosophie de l'université... Alors là, attention, Jagellonne, que vous avez été enseignant et vice-recteur de l'Institut universitaire Saint-Pie-X, que vous dirigez actuellement plusieurs projets internationaux de traduction d'œuvres inédites de Chesterton, vous nous en direz plus tout à l'heure. Alors donc, il était bien de poursuivre avec vous cette nuit Chesterton, même si j'imagine, et vous serez sûrement d'accord, en tant qu'universitaire, il n'y a aucun travail, aucune thèse qui peut être définitive dans, en aucun domaine intellectuel. Donc, que d'autres ouvrages paraîtront sur Chesterton, que vous lirez peut-être avec intérêt, d'autres que vous lirez avec agacement. Mais enfin, bon, votre point de vue, c'est le vôtre. Il faut parler plus que d'un point de vue, parce que l'apparition, en fait, c'est celle d'une thèse de doctorat que vous avez soutenue il y a déjà 3 ans. Oui, tout à fait, en septembre 2013. Il y a juste 3 ans, donc. Et alors, vous l'avez soutenu en Pologne. Donc, la thèse était entièrement rédigée en langue française, sauf pour les textes sources chestertoniens qui étaient cités en langue originale par obligation ou par honnêteté méthodologique. Donc, ils étaient cités en anglais. Et la thèse a été soutenue en Pologne. Donc, effectivement, rédigée en français, soutenue à l'université Jagellonne de Cracovie. C'est ça. Alors, donc, la thèse est portée sur la pensée de l'auteur du nommé Jeudi, notre feuilleton bien-aimé. Alors, donc, en effet, ça a été la première surprise. C'est qu'il n'y a pas de nom de traducteur. Donc, voilà, vous êtes Wojciech Golonka, vous êtes polonais. Vous publiez une thèse, vous la soutenez en polonais, mais vous l'écrivez en français, avec des notes en anglais, en polonais, en français. Alors, à l'époque, pendant que j'écrivais ma thèse, je travaillais donc déjà à l'Institut universitaire Saint-Pie-X, où je donnais les cours de philosophie. Étant plongé en philosophie en langue française, il était pour moi au quotidien beaucoup plus simple d'écrire directement en français, puisque je vivais à Paris pendant cette écriture. Voilà. Vous êtes donc trilingue, quadrilingue? J'essaye d'être bilingue correctement et parfois cela m'arrive de parler anglais, même si je comprends davantage l'écrit que je maîtrise davantage l'oral de la langue de Shakespeare. Chesterton, vous l'avez découvert en anglais? Je l'ai découvert en polonais. Un ami m'a donné un cadeau empoisonné, c'est-à-dire il m'a donné des livres de Chesterton et depuis c'est devenu comme une drogue pour moi. Et l'idée m'est venue effectivement de réaliser une œuvre qui serait un petit peu plus qu'une œuvre littéraire, puisque je dois vous avouer que je suis plutôt nul d'un point de vue littéraire, mais je voulais tout simplement dresser le portrait de Chesterton d'un point de vue de ses principes philosophiques, donc aller plus loin que peut le faire la littérature, en allant jusqu'à l'ossature des principes, des idées que contiennent ses œuvres, tout simplement. Voilà, que contiennent philosophiquement ses œuvres. Alors, vous le dites, et vous ne vous en étonnez pas, que de toute façon, Chesterton, lui, il a suivi des études de langue anglaise, et encore pas très longtemps. Enfin, je veux dire, après le lycée, ou ce qui correspond au lycée, un an et demi, je crois, à l'université, collège London. Exactement. Et puis, c'est pas un philosophe. Enfin, c'est un penseur, mais précisons tout de suite que si on compare, par exemple, à Søren Kierkegaard, Chesterton défend mieux le christianisme que le fait Kierkegaard. Et si on regarde l'existentialisme de Sartre, eh bien, il y a un existentialisme avant l'heure chez Chesterton qui est diamétralement opposé. Donc, c'est pas un philosophe, ou plutôt il n'est pas classé comme tel par l'histoire de la philosophie, mais c'est un penseur exceptionnel qui se traite très bien à l'analyse philosophique et dont les écrits contiennent évidemment une dose exceptionnelle de la philosophie. Vous parlez de son savoir qui est avant tout celui d'un autodidacte et d'un observateur. Tout à fait. C'est un contemplatif au sens étymologique du terme. Donc, il regarde, il va droit dans les idées qu'il constate derrière les hommes, derrière le comportement humain, derrière la société, derrière les... Tout à fait, voilà, c'est un contemplatif. Alors vous dites qu'il est par conséquent partial et non systématique. Sa méthode inductivo-intuitive est à la fois sa force et sa faiblesse. Mais alors, qu'est-ce qui vous a plu le plus, vous, Wojciech Golonka, c'est la force de sa pensée, c'est la faiblesse? Alors, j'étais émerveillé de lire le commentaire d'Étienne Gilson, donc un grand universitaire français, sur Chesterton. Gilson, il est tombé complètement amoureux de saint Thomas d'Aquin, de Chesterton, en disant que cet autodidacte, il a deviné tout ce que les universitaires essayaient de démontrer depuis 30 ans, et qu'il l'a dit bien mieux qu'eux, et qu'il a porté honte aux universitaires. Alors ça, effectivement, je trouvais ça très fort. Puisque, bon voilà, c'était la puissance d'observation de Chesterton. Il prenait un livre, il le digérait complètement, il était capable d'en ressortir une synthèse merveilleuse. Mais en même temps, c'était un journaliste pressé par le temps, autodidacte, donc qui souvent manquait à la précision, qui manquait un vocabulaire technique. Alors ça, c'est une faute que l'on voit. On voit parfois des contradictions même. Mais bon, enfin, lui pardonne très facilement ce côté. On peut pas attendre d'un journaliste qui est pressé par les piges qu'il doit rédiger à gauche à droite une précision que peut se permettre un universitaire. C'est pas possible. Mais je me demande d'ailleurs si ce que vous appelez faiblesse, Wojciech Golonka de Chesterton, c'est pas finalement le grand intérêt pour nous. Parce que si ça avait été un philosophe pur, il n'aurait pas écrit les romans, la pièce de théâre, toutes ces nouvelles. Donc c'est bien plus intéressant pour nous. Bien évidemment, son idée était de populariser les idées du sens commun ou les idées que véhicule la pensée de l'homme ordinaire sans le savoir, de les populariser par le moyen des journaux et des romans de la littérature. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais alors donc, vous appropriez quel Chesterton quand même? Alors, parce que fatalement, on va vers le Chesterton que l'on préfère. Alors, c'est peut-être pas le Chesterton que vous aimez, n'est peut-être pas celui que j'aime, les auditeurs aiment, mais si, mon Chesterton préféré, c'est le Chesterton des romans polémiques, comme La sphère et la croix, Le nommé jeudi, et également le Chesterton des essais apologétiques, comme La chose pourquoi je suis catholique. Orthodoxie. Orthodoxie, je le trouve lourd personnellement, c'est-à-dire c'est un ouvrage qui contient des pages admirables, mais son raisonnement inductif, comme je le dis, il fait ses inductions sur des pages entières pour déboucher sur une idée lumineuse, et on se demande pourquoi il a fait toute cette induction aussi lourde. Donc je l'ai apprécié bien entendu, mais j'ai beaucoup plus apprécié les écrits de la fin de sa vie que je trouvais beaucoup plus mûrs, où il était capable, à mon avis, d'aller plus rapidement directement à l'idée clé qu'il voulait présenter. C'était ma perception personnelle, si je puis dire, un peu subjectif, hein, sans doute. Alors, donc, vous alliez vers le portrait philosophique de l'écrivain. Alors, vous êtes dit, on va du côté d'Aristote. En fait, c'est Chesterton qui tend naturellement vers la pensée réaliste telle qu'elle est présente dans ce courant qu'on appelle ordinairement aristotélico-thomiste. Il connaît les grands philosophes par culture générale, et puis spontanément et naturellement, au fur et à mesure des années, on voit que sa pensée s'affine. Il y a également sa conversion au catholicisme qui le met au contact de renouveau thomiste et des prêtres formés dans le renouveau thomiste. Et effectivement, à la fin de sa vie, il professe le thomisme. Il s'avère lui-même thomiste avec, c'est évidemment, il tient en compte d'Aristote. D'ailleurs, il a une phrase magnifique. Il part de baptême d'Aristote par saint Thomas d'Aquin en disant que saint Thomas d'Aquin, c'était le parrain. Enfin bon, bref, c'est le point d'arrivée. Mais je trouvais que vous savez, c'est très intéressant. Le premier ouvrage d'analyse philosophique de Chesterton a été écrit de son vivant en 1919 par un jésuite français, Thomas le Père Tanquédec. Donc bien avant et la conversion de Chesterton au catholicisme, et donc avant sa mort. Qui est tardive, rappelons-le. Enfin, c'est quoi, 1936. Alors, sa mort est 36, mais il s'est converti au catholicisme. 1922. Donc, oui. 3 ans avant sa conversion, un jésuite français sort un ouvrage à Paris et qui présente déjà une analyse. Et c'est très intéressant. Et ce jésuite français appelait à une analyse plus approfondie. Donc, j'ai un petit peu suivi cette invitation, si je puisse dire. Mais c'est pour dire que avant sa conversion même, il y avait déjà des intuitions qu'un thomiste français appréciait. Alors c'est quoi un thomiste? Redites-nous. Un thomiste, c'est tout simplement un connaisseur et un partisan de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, de la philosophia perennis, on va dire, exprimée dans les écrits de saint Thomas d'Aquin, dans le courant aristotélicien également. Mais vous, en fait, Wojciech Golonka, vous avez suivi l'ordre d'Aristote, justement, alors de la philosophie, la cosmologie, psychologie, esthétique, politique, métaphysique, logique. Tout à fait. J'ai cassé les ordres habituels d'analyse et j'ai cassé aussi l'unité interne des ouvrages et l'unité chronologique. J'ai tout simplement analysé Chesterton d'après les grands domaines de la philosophie. Donc effectivement, pour faire une thèse, donc un tableau global, je l'ai analysé suivant les grands domaines philosophiques. On a commencé par la cosmologie, on a passé ensuite à suivant les, on va dire les, l'analyse de l'être. Donc d'abord l'être mouvant, enfin la cosmologie, la psychologie, l'éthique, la logique, la métaphysique. Ensuite on a fini dans la théologie, donc la religion chez Chesterton. Et après j'ai voulu quand même ajouter un contraste pour ne pas faire quelque chose de trop sec. Et donc j'ai voulu le contraster avec ceux qu'il réfutait par ailleurs. Donc Chesterton, c'est quelqu'un qui se construit en réaction à une pensée dite moderne, au sens coupé des traditions anciennes, si je puisse dire. Et donc dans la deuxième partie, j'ai montré la violence de ce choc entre Chesterton et la modernité pour contraster un petit peu. Et puis enfin, j'ai voulu montrer quand même les limites de sa pensée, ses erreurs possibles. Donc c'était un troisième volet. Donc j'ai réalisé un triptyque au total, si je puisse dire. Mais c'est jusqu'à dans la critique de Chesterton, vous êtes encore évidemment quand même dans l'admiration, Wojciech Golonka, parce que c'est votre... J'étais séduit, je le resterai jusqu'à la fin de mes jours. Je dois beaucoup à Chesterton d'un point de vue personnel, au sens où c'est quelqu'un que je trouve passionnant d'un point de vue intellectuel et enrichissant nos propres considérations. Donc c'est... Ou bien il nous guide, ou bien il nous remet en cause. Mais toujours est-il qu'il ne nous laisse pas insensibles, à moins qu'on soit dès le départ rébuté par son style. Ça, j'étais libraire, j'ai vu que certains clients devenaient tout de suite, accrochés tout de suite, et d'autres, tout simplement, au bout de quelques pages, devaient arrêter la lecture, parce que le style propre de Chesterton, et parfois les traductions un petit peu déficientes, pouvaient rébuter les lecteurs. Vous étiez libraire à où donc ? Librairie du Petit Pont, à Paris. À Paris, oui. Dans le quartier latin. Mais pas en Pologne ? Non, pas en Pologne. Et alors, donc, on revient à ce que vous trouvez être des erreurs ou des contradictions dans l'œuvre de Chesterton, et je reviens à ce qui, à mon sens, en fait aussi l'intérêt, parce que on parle toujours du grand réactionnaire qu'est Chesterton. Il est très réactionnaire, il est très anti-moderne. Mais est-ce qu'on peut le prendre au sérieux tout le temps ? On peut aussi penser qu'il n'est pas dans la plaisanterie, mais enfin, il est quand même dans une posture. C'est ce qu'on a cru au moment des hérétiques. C'est ce qu'on a cru effectivement, que c'était pour lui un jeu intellectuel. Et dans son autobiographie, il dit qu'une fois que ses contemporains, avec l'orthodoxie, se sont aperçus que malgré tout, les idées qu'il énonçait, il les prenait au sérieux, il a dit, là, j'ai vu, les gens s'est retiré un peu de moi, puisque, vu qu'il prenait ses idées au sérieux, ils se sont dit, c'est tout de même un vrai réactionnaire. Par contre, dans sa jeunesse, c'est un sanguin exubérant. Et donc, effectivement, les exemples qu'il donne, lorsqu'il parle de Cendrillon, des citrouilles, ainsi de suite, bien entendu, ce sont des exemples qui sont là pour faire toucher une idée. Et ça, effectivement, c'est un peu l'apôtre du sens commun par le rire. Il utilise le rire, le paradoxe, pour toucher certaines vérités. Et puis même, vous parlez de sa jeunesse, il a des sympathies limitées, dites-vous, pour les révolutionnaires, parce qu'il trouve qu'il juge le monde comme les saints, sauf qu'eux, ils n'ont pas la justice des saints. Alors, c'est quelqu'un qui recherchait des pensées authentiques. Or, ce qu'il voyait chez un révolutionnaire, il a dit, par exemple, dans sa jeunesse, que la destruction de la Bastille pouvait être comparée à un acte liturgique. Donc, pour lui, c'était quelque chose d'authentique. Donc, voilà ce qu'il pouvait admirer chez les révolutionnaires, par exemple. Mais je voulais préciser une chose. Si j'ai dû critiquer un petit peu Chesterton en montrant ses limites, c'est un petit peu par devoir méthodologique d'une thèse universitaire, c'est-à-dire qu'on est obligé de porter un jugement de valeur globale, et donc par conséquent, on peut pas rester honnête sans montrer les faiblesses. Mais ces faiblesses, je veux dire, j'ai dû le faire par justice, mais pas par méchanceté. Mais à moins que ce soit les faiblesses de la méthodologie, justement, peut-être. Parce que la méthodologie, on amène tout à ce qu'on pense, en fait, dans l'œuvre d'un auteur. J'ai quand même montré des vraies contradictions littérales qu'il pouvait avoir, voire l'évolution de ses idées. Dans sa jeunesse, il est occasionnaliste. Donc ça, effectivement, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux lorsqu'il dit que tous les matins, le soleil, non pas parce qu'il y a une loi naturelle du soleil, mais il dit parce que Dieu le veut, tout simplement. Et Dieu dit tous les jours au soleil de se lever. Bon, ça, Tonquédec l'a critiqué en disant que c'est une philosophie occasionnaliste. D'ailleurs, on se voit que Chesterton se répand de ce genre d'affirmation. Effectivement, c'était assez... très très particulier de sa part de dire. Pour revenir à la justice, vous dites aussi qu'il pense la trouver à un moment donné dans le socialisme. Alors, il est une espèce de partisan à contre-cœur du socialisme. Pourquoi ? En Angleterre. Alors qu'est-ce qui le pousse ? En fait, il voit les conséquences sociales de la révolution industrielle et la difficulté des classes pauvres. Et donc, il cherche cette justice sociale. Et donc, le premier groupe politique qui lui présente, et qui lui permet de trouver ses idées, c'est le socialisme. Il s'en détache très vite, puisqu'il trouvait que le mouvement n'était pas assez libéral et pas assez respectueux de la liberté humaine individuelle. Voilà. Et vous avez dit tout à l'heure, Wojciech Golonka, qu'il y a, finalement, il y a des textes comme ce qui sont peut-être des textes journalistiques, enfin, voilà, d'occasion, comme ça. Il faut rendre une copie pour un journal, parce qu'il y a soit un quotidien, soit un hebdomadaire, évidemment, on est pressé par le temps. Et qu'il y a des contradictions, ou alors qu'il y a un peu de remplissage. Mais, ce que j'aime, moi, chez Chesterton, c'est justement les moments où tout est retardé, finalement, dans l'explication, dans les nouvelles policières, c'est logique. On est avec le père Brown, c'est ainsi. Mais même avec des textes qui sont des textes d'essai, quoi. C'est-à-dire qu'il envisage tout, il réfléchit, on l'entend réfléchir, et puis soudain, il arrive à une conclusion. Mais est-ce qu'on sait si c'est réellement la conclusion? Parce qu'un petit paradoxe in fine peut finalement donner à penser qu'il pense autre chose. Tout à fait. Alors, vous avez de la chance que vous trouvez agréable, c'est les moments où il va dans tous les sens, parce que moi, ça me demande un petit peu plus de patience tout de même. Mais vous avez tout à fait raison, c'est quelqu'un qui analyse toutes les idées au fur et à mesure qu'ils viennent à l'esprit et en lien avec le sujet. Alors, est-ce que les conclusions débouchent sur d'autres conclusions possibles? C'est-à-dire, est-ce qu'il laisse l'ouverture dans ses essais? Très souvent, effectivement, oui, c'est le cas. On a l'impression que parfois, on a l'impression qu'il n'y a même pas de conclusion. Tout simplement, il a exprimé plusieurs idées sans forcément une conclusion unique. Mais tout de même, c'est lui-même qui a été assez critique vis-à-vis de lui-même à la fin de sa vie, pardon. Il a dit, j'étais pressé par le temps, j'ai pas eu le temps de me relire. J'ajouterai une autre précision. Les fameux pères Brown, dont on parle beaucoup, il les écrivait surtout pour boucler le déficit budgétaire de son propre journal. Dès qu'il manquait de l'argent pour payer ses journalistes, eh bien, il écrivait une série de pères Brown, il vendait les droits, et comme ça, il payait donc ses imprimeurs et ses journalistes. Donc, voilà, c'était effectivement... Il y avait parfois de la rapidité quand même derrière son écriture. Ça, oui. Il n'est pas le seul écrivain anglais à finalement jouer sur l'impatience du lecteur. Comme ça, il y a des... on parlait de Laurence Sterne avec un autre invité là, au cours de cette nuit, Chesterton. Voilà, dans les aventures de Tristram Shandy, on attend pendant 300 pages d'ailleurs, qui est une naissance en l'occurrence. Ça fait partie du plaisir ou de l'agacement, de l'irritation. Ça fait partie, je pense, du style de la rhétorique anglaise, tout à fait. C'est leur culture nationale, et c'est ça qui peut rendre effectivement le lecteur francophone parfois allergique à ce genre d'écrit. Il y a une phrase ou un texte de Paul Renaudin que vous citez, qui date donc de 1936, je pense que c'était après la mort de Chesterton, c'était dans La Vie catholique. Alors il dit que Chesterton est essayiste dans tous ses livres, c'est-à-dire que ses romans sont des essais, des discussions, des allégories, où il développe et brode ses thèmes sociaux, historiques ou moraux. Alors il ne cherche pas l'œuvre d'art, il a trop à dire. C'est exact. Il me semble que ce point de vue est juste. Si vous l'avez cité, c'est que vous le trouvez juste. Tout à fait. Par exemple, vous prenez ces romans. Ces romans, ce sont des discours entre deux idées. La sphère et la croix, par exemple. C'est l'apologétique permanente entre un athée rationaliste militant et un croyant mystique catholique. C'est presque pas un roman. Ce sont les idées qui se battent. Ce sont plus les hommes. Et ça, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a quelque chose que vous n'avez pas traité, dont vous avez cité vous avez parlé là dans le cours de cet entretien à Wojciech Golonka, mais qui n'est pas tellement, me semble-t-il, qui n'est pas traité dans le portrait philosophique d'un écrivain, Gilbert K. Chesterton, c'est l'humour. Est-ce que l'humour n'a pas sa place dans l'étude d'un philosophe? Alors, je n'ai parlé en disant que c'était son côté propre de tempérament. J'ai un petit peu dit que c'était aussi ça faisait partie de sa méthodologie, mais effectivement, j'ai très peu souligné cet aspect. Maintenant que vous m'en parlez, oui, vous avez raison, ça fait partie d'une dialectique, de même que Socrate pose des questions à ses interlocuteurs en leur posant des questions, et bien de même, Chesterton utilise le rire d'un point de vue dialectique, c'est une méthode chez lui, effectivement. Et vous, ça vous a pas intéressé? C'est trop sérieux, l'humour ou... Pas du tout, mais moi je me suis plus concentré sur l'aspect de la philosophie de l'émerveillement, par exemple, qui est chez lui primordial, la philosophie de la limitation. Donc bon, l'humour, il a... Un chercheur espagnol a dit le rire de Voltaire au service de Dieu, en parlant de Chesterton. Ça, je l'ai mis dans mon travail. Mais pour moi, c'était pas... Joseph Dunois, c'est ça. Junois. Voilà, exactement. tout à fait. Et donc, bon, voilà, vous avez renoncé à l'humour. Bah, vous n'en manquez peut-être pas. Ah, tout de même, non, tout de même. Il y a des pages, par exemple, lorsque je parle de l'humour chestertonien, je donne une dizaine de citations pour montrer un petit peu l'ambiance intellectuelle, humoristique qu'il offre. Donc, c'est plus dans les notes de bas de page, je dirais. Mm-hmm. Oui, ça tient un peu de choses, d'ailleurs, parce que parfois, il y a des formules dans un essai excessivement sérieux, ou une étude philosophique, ou un va-et-vient, comme ça, entre les idées, les suppositions. Il parle, le lecteur pensera peut-être que, puis alors, entre parenthèses, le lecteur s'il y en a un, parce que finalement il n'y en est pas certain quoi. J'ai déjà des échos des gens qui me lisent, qui lisent cette thèse universitaire. Oui. Donc elle est appréciée. Mais c'est Chesterton qui dit s'il y a un lecteur. Pardon. Quand vous le citez vous-même, lui-même se pose la question, est-ce qu'il y a un lecteur. Juste pour revenir à cette question d'humour, j'ai montré plusieurs exemples décortiqués des réductions à l'absurde opérées par Chesterton. Alors, il maîtrisait à merveille cette réduction cette manière de réfuter son ennemi en réduisant à l'absurde ses propos. Et là, effectivement, c'est quand même très, très drôle que l'on partage ou pas la vie de Chesterton. Les exemples que j'ai donnés, je pense, prêtent beaucoup au sourire. Donc, alors, Chesterton, penseur réactionnaire qui se construit dans la réaction, ou plutôt qui retrouve les thèses réalistes de la réaction, dites-vous. Oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il prend les idées au sérieux dans sa jeunesse. Et la fin de l'époque victorienne en Angleterre au XIXe siècle, elle est atteinte par le scepticisme, par l'impressionnisme au niveau de l'art. Il est en train d'étudier dans une école de l'art, et les présupposés de l'impressionnisme, c'est l'idéalisme. C'est-à-dire, on ne connaît pas directement la réalité, c'est un petit peu notre esprit qui projette les idées. Voilà, la réalité que nous connaissons, c'est rien d'autre qu'une projection de nos idées. Alors Chesterton, il pousse ses idées jusqu'au bout, et la tentation qui se cache derrière, c'est la tentation solipsiste de film Matrix, c'est-à-dire le monde réel n'existe pas, tout ce que nous vivons, c'est un rêve. Alors du coup, là, il fait, non, j'arrête là, je vais pas au-delà. Il me faut retrouver la réalité. Donc, la réaction commence là. Ensuite, il y a les sceptiques qui nient la liberté humaine, qui disent l'homme, il est complètement déterminé dans sa volonté, donc le libre arbitre n'existe pas. Donc, la controverse avec Blatchford, par exemple. Il y a les premières idées eugéniques, on recherche le surhomme, il polémise avec Nietzsche. Donc, effectivement, il réagit par rapport à une philosophie, on va dire, qui a perdu confiance dans le réel et dans les certitudes. Et lui, il réagit par rapport à cela, et c'est ainsi qu'il va retrouver les grands axes de la pensée réaliste, par recherche de ce qu'il appelle dogme, c'est-à-dire des certitudes dans lesquelles il puisse craquer intellectuellement parlant, c'est une intelligence affamée des certitudes, ça se voit. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il s'est effectivement construit. Alors on rappelle Wojciech Golonka, le nom de du livre qui est paru ce printemps, Gilbert K. Chesterton, portrait philosophique d'un écrivain, 1874-1936, publié aux éditions du Cerf dans la collection Patrimoine. Et puis dans quelques semaines va paraître une traduction dont vous êtes à l'origine, d'un vrai inédit. Tout à fait, de Chesterton. Avec un écrivain français. Connaissant très bien les lettres anglaises, Patrick Goffman nous a réalisé ensemble une traduction inédite d'un livre d'essai de 1935, « The Well and the Shallows » en original, littéralement parlant « Le puits et les bas-fonds » qui paraîtra donc prochainement aux éditions d'Esclet Brouwer. Et qui parle de... Eh bien, c'est... Qui remet tout en cause toutes les deux nuits de Chesterton qu'on vient de vivre ou... Eh bien, ce sont les essais écrits dans les années 30, c'est sa perception du protestantisme qu'il juge décadent en Angleterre des années 30, c'est encore une fois la défense du catholicisme, puisqu'il n'est pas bon d'être papiste en Angleterre des années 30. C'est également des essais sur Hitler, sur Chancelier Dollfuss, sur Mussolini. C'est déjà une annonce prophétique de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Holocauste à venir. Donc ce sont des essais très intéressants et qui méritaient d'être traduits en français. Donc Le Puits et les Bas-fonds, dans quelques semaines, publié chez Des Clés de Bourgogne. Exactement. Merci Wojciech Golonka. Eh bien écoutez, cette deuxième et dernière nuit chez Chesterton se poursuit, puisque l'on va pouvoir entendre la suite du nommé jeudi, puis un réplique, L'éblouissant Chesterton, par Alain Finkielkraut, une émission diffusée précédemment en 2010. Et ainsi se terminera la nuit Chesterton, et puis évidemment elle se terminera surtout par le dixième et dernier épisode du nommé jeudi. Vous le relisez de temps à autre, vous, ce roman ? Parfois, mais maintenant je suis très concentré sur les essais que j'essaye effectivement de traduire d'anglais en français. Donc j'ai relis beaucoup les essais en question. Malheureusement pour le roman, je n'ai plus tellement le temps en ce moment, mais c'est toujours très très enthousiasmant intellectuellement parlant. Et puis c'est une très bonne entrée dans la vie, dans la littérature de Chesterton. Tout à fait, tout à fait.